40. Les Lead Users. Lu par François Schnell. Les Lead Users. Remix. Sample. Reproduction. Sautant de mise en acte d'un public autonome et actif, il est clair que ces pratiques ne correspondent plus à une définition univoque de la culture. Là encore, il s'agit de constater qu'une création, une fois rendue publique, prend tous les attributs d'une propriété collective et se mue en coproduction entre l'auteur et son public. Cette logique se retrouve d'ailleurs de façon aussi marquée avec les inventions protégées par des brevets. Le médicament est à ce titre emblématique. Le brevet est attribué à un laboratoire, celui-là même qui a pris en charge le financement d'une partie du développement de la molécule et surtout des études cliniques. Et qui forme le public dans ce cas? Les médecins et les patients. Les premiers, en signalant en permanence les effets secondaires observés dans leur pratique quotidienne, les seconds, en expérimentant dans leur chair l'effet des médicaments. À cette remontée d'informations institutionnalisées, le public de la santé ajoute ses propres réseaux d'appropriation de l'invention, les médecins par des congrès, des colloques, des discussions informelles ou des revues spécialisées, et les malades, de plus en plus par l'entremise des comités de patients destinés à fédérer ceux qui participent aux études cliniques avant et après la mise sur le marché d'un nouveau médicament. Leur rôle est fondamental, car une molécule ne vaut que si ses bénéfices et ses effets secondaires sont connus avec la plus grande précision. L'invention médicament n'est donc complète qu'à l'aide des retours apportés par les médecins et les patients, données qui serviront à leur tour à mieux prescrire le traitement. Les pratiques en vigueur dans le domaine de l'agriculture sont tout aussi éclairantes. Les variétés de semences sont commercialisées par des entreprises et couvertes par la propriété intellectuelle, en l'occurrence par un certificat d'obtention végétale, COV. La plupart des agriculteurs ne se contentent pas des variétés brutes ainsi vendues. Année après année, ils sélectionnent, croisent et améliorent dans le but d'obtenir une variété adaptée aux conditions locales. Ils samplent les graines qu'ils achètent pour les utiliser eux-mêmes ou les donner à leurs voisins. C'est une constante. Dans les domaines techniques ou technologiques, la figure de l'utilisateur expert est centrale et détermine en grande partie le devenir d'une invention, comme le souligne Dominique Forêt. Les usagers ont une position privilégiée en matière de production de connaissances. Confrontés à des situations locales, nouvelles et inattendues, ils doivent résoudre des problèmes que les concepteurs n'avaient pas prévus et sont alors en capacité d'apprendre et d'informer ceux qui conçoivent les systèmes. L'importance des processus d'apprentissage par l'usage est indissociable de l'existence des lead users, catégorie d'acteurs qui, par leur degré d'autonomie et de liberté dans la recherche du meilleur usage d'un produit complexe, un instrument médical, un logiciel, une machine, etc., vont jouer un rôle décisif dans la production de connaissances. Fin de citation. Dans certains domaines, le rôle de ces lead users dans la mise au point et le développement d'une innovation est même institutionnalisé. En médecine notamment, mais aussi dans l'industrie logicielle, tout nouveau programme est soumis à des bêta-testeurs, ces utilisateurs chargés de détecter des anomalies avant le lancement officiel d'un produit. Le durcissement continu de la propriété intellectuelle entend proscrire l'appropriation créative par le public. C'est l'évidence pour la culture, où si tout un chacun est théoriquement libre de sampler ses propres copies de Matrix ou de White Stripes, il est interdit de les rediffuser et d'en faire bénéficier autrui. Les échanges de compilations mixées organisées par CRIDE sont ainsi prohibés. Dans le domaine agricole, notamment des semences, les agriculteurs ont même perdu un droit acquis depuis longtemps après l'irruption des plants transgéniques. La pratique de réencensement, de croisement et d'adaptation locale est en effet permise sous le régime du COV, ce titre très particulier qui ne concerne que les variétés végétales. Ce droit répond à l'appellation un peu rétro de privilège du fermier. mais le lobbying des géants de la graine transgénique a payé. Leurs variétés aux gènes modifiés bénéficient d'un brevet et dans de nombreux pays, la liberté qu'avait l'agriculteur de s'approprier les semences achetées a été passée par perte pour le fermier et profit pour Monsanto. D'une manière plus générale, les entreprises titulaires de brevets reposant sur l'appropriation créative des usagers font en sorte que cette production de connaissances reste à leur seul profit. De même, si les laboratoires pharmaceutiques acceptent de fournir les séries d'analyses faites sur un médicament, ils supportent mal que des médecins les utilisent pour en dénoncer des effets ou en critiquer l'efficacité. Dans les entreprises, les utilisateurs experts capables de décortiquer les nouvelles inventions et d'en signaler les défauts ont été depuis longtemps domptés. Au risque de brider les améliorations, un subtil maquis contractuel mêlant clauses de confidentialité et tarifs préférentiels les dissuade d'éventer leurs objections et suggestions.